Numéro 1, sir. 2, sous. 3, devant. 4, derrière. 5, au-dessus de. 6, dans. 7, près de. 8, loin de. 9, au milieu de. 10, autour de. 11, en face de. 12, à côté de. 13, au bout de. 14, au fond de. 15, ici. 16, là. 17, à droite. 18, à gauche.